de faire du son qu'ils ne peuvent tester. Je me dresse comme une verte devant une paire de fesses contre un système qui nous oppresse. Je m'engraisse pas sur le dos de ma thèse. Moi, noyé dans le désespoir, ma thèse garde espoir. J'appelle ça le désespoir. Les Schmitt me mettent des coups de presse. Ce qu'on fume en bas, c'est de la première presse. Reste, MC, reste en haise. Sur un coup de fumant, on est en stress. Toujours speed, toujours pressé. Et je croyais que je tape la 16. Mec, faut que ça cesse de parler. Je veux pas te faire une messe. Le rap, au bout de ma laisse, je veux ma liasse. Je suis de hoche, oh, vie de chien, vie de moche. Rien dans les poches, juste de flingue dans le vide de poche. Toute ma thèse est en stress. On l'oppresse pour faire du bif, ça presse. Aucun feu de détresse. Juste des feux de voiture dans la presse. Toute ma thèse est en hesse. Faut faire du bif, ça presse. Ça presse, ça presse, ça presse, presse, presse le doigt sur la gâchette. Ma vie, personne ne l'achète. Je me déplace en cachette. J'ai le flow qui me découpe de machette. Le sang d'un taureau dans les veines. Je vois rouge et la haine. Le sang dans les gènes, on les gêne. J'ai baisé la reine dans l'arène. Mon art règne. J'ai une envie qui presse. Plus d'un pied sur le trône, j'ai tiré la chasse. Frère, mon son leur donne la chasse. Reste fort, la première page de presse. Je domine leur rap blesse. Une douzaine de MC boules que je tiens en laisse. Qui veut tester ma thèse. Je maîtrise en live au volant d'un 3S. Je progresse et régresse. Le nez poudré de cesse. Reconnais qu'un nouveau feu est né. Sur mes mains, j'ai pas de sang, c'est l'aîné. Toute ma thèse est en stress. On l'oppresse pour faire du bif, ça presse. Aucun feu de détresse. Juste des feux de voiture dans la presse. Toute ma thèse est en hesse. Faut faire du bif, ça presse. Ça presse, ça presse, ça presse, presse. Je n'ai que ça à faire. Faire du son qui te met les nerfs. Ramasser un peu d'espèces, mon frère. Faut faire du bif, ça presse. On rêve d'échanger un peu d'espace. On veut se fondre dans la masse de la classe. Marquer, côtoyer la crasse. Les schlass et les schlags, j't'ai flag. On rêve tous de mettre les voix. La vie est moche, normal c'est hoche. Ici l'état nous fauche. Normal c'est hoche, sans que la fin est proche. Normal c'est hoche, normal c'est hoche. Si dans nos halls ça se bouscule, c'est qu'à l'école ça ne bosse plus. Du mauvais côté de la bascule, nos vies basculent. Pas côté comme une voiture, juste mise de côté par les costards ceinture. Toute ma thèse est en stress. On l'oppresse pour faire du bif, ça presse. Aucun feu de détresse. Juste des feux de voiture dans la presse. Toute ma thèse est en hesse. Faut faire du bif, ça presse. Ça presse, ça presse, ça presse, presse, presse. Je perce, perce, je transperce. En 2000, tu connais mon adresse. Je commets aucune maladresse. Je retrouve ici. Super, frère, avant que le sang pisse. Frère, reste in peace. On veut juste notre bif, bif, ça presse. Quand je me lève, tu t'affaisses. Jamais je n'écarterai mes fesses. Jamais je n'oublierai mes frères de thèse. Dans mon cœur de thèse. Jamais je n'oublierai mes frères de thèse. Dans mon cœur de thèse. Qui peut tester ma thèse. 32 000 sud-ouest, on est par ouest. Dédicace à HAS, c'est ouest. C'est la crise, c'est la haine. Ça tire dessus pour la cesse. Faut que ça cesse. 2009, je progresse. Soit je m'agresse, ma fille m'a trop la dalle. Ravageuse comme la peste. Avale ta langue jaloux ou elle finira dans tes fesses. Dans tes fesses. Rap de thèse. D'être un artiste, je voulais partir. Frère, lis sur ma flaque de pisse. En bas du bloc, la thèse, les jeunes stressent. Des blocs, des stress, le nez dans une ligne de cesse. Que faire, les yeux vers les yeux, je prie pour eux et mon frère.